Le mot pour dire rien est nada. N-A-D-A. Nada. Donc, rien ne va être prêt aujourd'hui, mais tout va être prêt demain. Vous connaissez peut-être déjà le mot pour dire demain. C'est mañana, qui s'écrit M-A-N avec tilde, A-N-A. Le son ñ s'écrit N avec un tilde en espagnol. C'est un N surmonté d'un petit S renversé, comme une petite vague. Donc, mañana, ça veut dire demain. Mais aussi matin. La mañana, c'est le matin. Alors, rien ne va être prêt aujourd'hui. Ça sera. Alors, rien ne va. Alors, nada no va. En fait, nada ne veut pas seulement dire rien, mais aussi ne rien ou rien ne. Ici, dans rien ne va être prêt, il ne faut donc pas utiliser no après nada parce qu'il est placé devant le verbe. Nada suffit à indiquer la négation. Donc, rien ne va être prêt, ce n'est pas nada no, mais nada tout court. Alors, nada va estar. Va, oui. Encore une fois. Va. Va, oui, être prêt. Estar listo. Aujourd'hui. Hoy. Hoy. Mais tout va être prêt demain. Pero. Tout. Todo. Todo, hein, tout. Va être prêt. Va estar listo. Va estar listo. Va estar listo. Demain. Mañana. C'est ça. Pero todo, todo, tout, va estar listo, va être prêt, mañana, demain. Nada va estar listo hoy, pero todo va estar listo mañana. Alors, encore une fois, comment dites-vous « je suis prête » ? Estoy lista. D'accord. Et encore une fois, « je suis prêt » ? Estoy listo. Il est prêt. El estoy? Non. Estoy, c'est je suis. Il est. C'est el est. El está. El está. El está listo. D'accord. El está listo. Et elle est prête? Ella es está lista. C'est ça. Ella está lista. Tout est prêt. Todo. Todo. Encore une fois. Todo. Todo. Tout est prêt. Está listo. D'accord. Todo está listo. Pour dire tout est prêt, nous avons ici todo está listo. Mais avant, on avait utilisé une autre forme pour le verbe être, pour dire c'est, par exemple, dans c'est possible, qui se dit es possible. Es possible. Et c'est très important. Es muy importante. Importante. Ah oui, importante. Es muy importante. Et c'est nécessaire. Es necesario. Bien, es necesario. Donc, nous avons es pour c'est, dans c'est nécessaire, c'est important, c'est possible, mais pour dire c'est prêt, nous avons employé non pas es, listo, mais es. Está. Está listo. Tiens, tiens, c'est curieux. C'est curieux parce qu'en espagnol, on a deux verbes être et non pas un, mais deux. Ce n'est pas para complicar las cosas. C'est pas pour compliquer les choses. Simplement, c'est un plus de la langue espagnole. Donc, écoutez bien. Pour dire être en espagnol, il existe deux verbes. Estar, ser. Estar s'emploie essentiellement pour désigner un état. D'ailleurs, dans la même famille que estar, on a estado, qui veut dire état. Donc, estar, c'est être en tant qu'état. On l'emploie pour parler d'un état passager, accidentel, et aussi pour parler d'où se trouve quelque chose ou quelqu'un. Donc, dans ces cas-là, on emploie estar. Quant à ser, S-E-R, l'autre verbe être, ser exprime les caractéristiques qui définissent quelqu'un ou quelque chose, hein? Son essence, sa nature. Ser peut d'ailleurs aussi être un nom. El ser veut dire l'être. El ser humano, c'est l'être humain. Le fait d'être humain, c'est ce qui le définit. C'est ce qui définit ce qu'il est. Je vais vous donner des exemples pour que vous voyez la différence entre les deux verbes être, ser et estar, ce que chacun de ces deux verbes permet d'exprimer. Par exemple, si vous voulez dire « je suis fatigué », vous emploierez « estar », c'est un état passager. Tandis que si vous voulez dire « je suis français », il vous faudra utiliser « ser », parce que c'est une caractéristique qui vous définit. La forme du « je » pour le verbe « estar », c'est « estoy ». « Je suis »,« estoy ». Et celle pour le verbe « ser », c'est « soy ». « Je suis »,« soy ». S-O-Y. Donc, pour dire « je suis fatigué » pour un homme, on emploiera « estoy ».« Estoy cansado ». Mais pour dire « je suis français », on emploiera « soy ».« Soy francés ». De la même manière, « está » du verbe « estar » veut à la fois dire « vous hein, »,« usted »,« est »,« il est »,« elle est » et « c'est ». Lorsqu'il ne s'agit pas d'une caractéristique permanente. Tandis que « es » du verbe « ser » qui veut aussi dire « vous êtes »,« il est »,« elle est » ou « c'est » permet de parler d'une caractéristique permanente, hein, de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, si vous voulez demander « comment allez-vous ?», on dira littéralement « comment êtes-vous ?» donc, du fait que l'on demande à la personne « comment elle va au moment où l'on parle, on emploiera estar. Alors, comment allez-vous? Ça sera como está. Como está. Ouais. Et si vous parlez d'un ami, mettons qu'il s'appelle Pablo, comment direz-vous comment va-t-il? Como está. Como está. Ouais. Et si vous parlez d'une amie. Alicia, hein? Comment dites-vous? Comment va-t-elle? Como está? Como está, hein? C'est ça. Si vous voulez dire où êtes-vous, ça sera donde está. Bien, donde está. Hein? Ce n'est pas une caractéristique permanente. Donc, pour demander où, ou bien comment est quelqu'un ou quelque chose, on emploie está. Donde está usted? Hein? Et comment direz-vous où est-il? Donde está? Donde está? Où est-elle? Donde está? Donde está? Où est-ce? Donde está? Bien, c'est bien ça. Hein? Donde está? Où est-ce? Et comment direz-vous je ne sais pas où c'est? Ah, je ne sais pas, c'est no sé. No sé. Oui, la forme avec je, dans ces cas, n'est pas signalée par un au final, comme dans quiero, tengo, etc. Hein? Je sais, c'est tout simplement sé. Hein? Ça s'écrit S, E, avec un accent aigu sur le E. Sé. Hein? Ça c'est je sais. Alors, je le sais, ça sera. Lo sé. Lo sé. Et je ne le sais pas. No lo sé. No lo sé. Je ne le sais pas. Donc, encore une fois, je sais. Sé. Sé et je ne sais pas. No sé. No sé. Et je ne sais pas où c'est. No sé. Donde. Está. D'accord, hein? No sé dónde está.